un peu de beurre, un peu de sucre. Voilà ce que dit la recette de la cousine Antoinette. Un peu de beurre, un peu de sucre. Et des petits carrés de chocolat qu'on casse avec les doigts. Disposés dans la terrine après avoir ajouté les deux œufs et la farine précédemment tamisée. Tout mélanger avec amour. Voilà ce que dit la recette de la cousine Antoinette. Tout mélanger, puis mettre au four. En petit tas, et quand ils seront cuits, ça fera des cookies. Il faut s'armer de patience, ne pas attiser le feu. Tu vois, c'est toute une science pour qu'il reste bien moelleux. C'est ce que disait la recette de la cousine Antoinette. Comme ils sont beaux, manque de peau. C'est pour ce soir et non pas pour midi qu'on a fait des cookies. Alors la nuit, tu tombes. J'ai mes fourmis qui me reprennent. Non, pas trop vite. Aide-moi plutôt à mettre mon costume de fête. À tes ordres, mon lapin. Oh! Oh, comme il est beau ce costume. Oh, oh. Si. Arrête. Quoi? Laisse-moi. Oh, c'est qu'il est un peu chatouilleux ce lapin. Fais pas touche.